concours du S1 Import Lille et Paris. Salut le bande de Boufoulkège, Cocteau, COCTO, dans la radio, le commandant. Le Space Party tous les samedis 1h-2h vous accueille dans un cadre dynamique et une joie de vivre impayable. Pour tout Space Party enregistré, un pin's Space Party vous sera offert si vous demandez Jean-Paul au bar. Space Party, c'est pour devenir fou pendant une heure. Avec dans la première session du non-stop, Yellow, Atrostep, PCP, Psycho, DSH, Rotterdam. Le cauchemar ne fait que commencer, petit homme, petite femme. Down, you're not coming in. Not tonight, you're not on the list.

Party sur Énergie. Music. Frequency. aux ovnis. Space Party. Space Party sur Énergie tous les samedis 1h, 2h. Dites oui aux ovnis. Avec dans la deuxième session du non-stop de la musique de sauvage. Comme à l'accoutumée, oui mes frères, ouais, on va gêner. Avec des bruits qui font oui, oui, et poing, poing, poing. Mais surtout avant, écoutez la basse. Vous ne m'aurez pas. Ne cherchez pas. Je suis à ma cible. Le son du futur me connaît. Viens péter les plombs. Vous ne m'aurez. $50 or more. The House of God. $50 or more. The House of God. The House of God. The House of God. The House of God. God's house. I am excited. $50 or more. The House of... Space Party sur Énergie. Here comes the music. Bye. Space Party. Dites-oui aux ovnis. Space Party. Meandering maneuverability, his strategical susceptibility, his infantile indefatigability, and his tendency towards tactical trepidity, he still remains. An imaginary sound of music. An imaginary sound of music. Are you sitting comfortably? Then we'll begin. Go! Thank you. from music. Énergie, le sixième Space Party s'achève. Il va falloir attendre une semaine avant de courir nu après un chien, avant de faire les carreaux de notre Simca 1000 sous la neige, avant d'allumer un cierge avec la pensée. Cocteau, COCTO vous embrasse. Pour toute réclamation pour le Space Party, n'hésitez pas, 3615 Énergie ou encore Énergie, 39 avenue Diana, 75 116 Paris. D'ici la semaine prochaine, mes frères, portez-vous bien. Et surtout, faites la fête, pas la tête. Salut. Come on. Come. Bye. Bye bye everyone. Oh my God.